j'ai rien vu. Pourtant j'suis net, j'ai rien bu. Peut-être que j'm'en souviens plus. Bien que j'sois là, je perdure. Oh, j'suis perdu. Dans ma gamberge, je n'ai pas connu mon grand-père. Dans ma famille, j'suis le grand frère. Il compte sur moi, ça me rend fier. Suis-je exemplaire? Si je ne le suis pas, veuillez m'excuser. Mon exemple, mon père. Mais le temps est contre nous abusé. J'sais plus comment faire. Plus je vieillis, plus je réfléchis. J'veux pas qu'on m'enterre. La vie est ainsi, je vois beaucoup de signes. J'ai rien vu passer. J'ai rien vu, à peine cligné des yeux. Déjà un mini moi. Les jours passent comme des heures et les années comme des mois. Je vois maman vieillir, mais le temps l'embellit. Et dans ces moments je me dis, suis-je exemplaire? Si je ne le suis pas, veuillez m'excuser. Mon exemple, mon père. Mais le temps est contre nous abusé. J'sais plus comment faire. Plus je vieillis, plus je réfléchis. J'veux pas qu'on m'enterre. La vie est ainsi, je vois beaucoup de signes. J'ai rien vu passer. Le temps est précieux, mon petit, ne sois pas pressé. Prends le temps d'apprécier, parce qu'on finira tous aux cieux. Tu verras, le temps est précieux, mon petit, ne sois pas pressé. Prends le temps d'apprécier, parce qu'on finira tous aux cieux. Tu verras. Tu verras.